professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est la question que pose le passé au présent, demande l'écrivain Laurent Mauvignier. Pourquoi avoir écrit un roman sur la guerre d'Algérie, lui demande Antoine Compagnon, quand on est né en 1967, après les événements, après cette guerre qui longtemps n'a pas eu le nom de guerre? À partir de quel endroit on parlait, s'interroge encore l'écrivain. Quel rôle ont joué les photos exposées dans les maisons de sa famille, des voisins, pour écrire le roman intitulé « Des hommes ». Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine au Collège de France, nous invite à rencontrer dans le cadre de son séminaire, lié à sa série « De la littérature comme sport de combat », des écrivains et des journalistes à la croisée du récit de vie et de l'histoire avec un grand H. Quels sont les rapports entre un réel complexe et la narration littéraire ou journalistique, demande-t-il ? Aujourd'hui, Antoine Compagnon reçoit l'écrivain Laurent Mauvignier autour de son roman « Des hommes » publié aux éditions de Minuit. Avec ce livre qui part du présent des années 2000 pour aborder la guerre d'Algérie, Laurent Mauvignier explique, et je le cite, que l'intérêt pour moi, c'était retrouver l'ignorance du présent. L'écrivain interroge le silence et les photos des anciens appelés d'Algérie. Rabu, le narrateur sexagénaire de son récit « Des hommes », parle des beaux paysages de vacances pour garder un coin de soleil dans sa tête. Mais la guerre, non, pas de guerre. C'est aussi Rabu qui pleure dans la nuit, et je cite le roman, marqué à vie par des images tellement atroces qu'on ne sait pas se les dire à soi-même. Le roman met en scène aussi le personnage de Feu de Bois, et je vous lis la première page du roman. Il était plus d'une heure moins le quart de l'après-midi, et il a été surpris que tous les regards ne lui tombent pas dessus, qu'on ne montre pas d'étonnement parce que lui aussi avait fait des efforts, qu'il portait une veste et un pantalon assorti, une chemise blanche et l'une de ses cravates en sky, comme il s'en faisait il y a 20 ans et qu'on trouve encore dans les solderies. Aujourd'hui, on dira qu'il ne sentait pas trop mauvais. On n'ironisera pas sur le fait qu'il viendra manger à l'œil et que pour une fois, il n'aura pas à faire semblant d'arriver à l'improviste. On l'appellera Feu de Bois, comme depuis des années. Et certains se souviendront qu'il a un vrai prénom sous la crasse et l'odeur de vin, sous la négligence de ses 63 ans. On se souviendra que derrière Feu de Bois, on pourrait retrouver Bernard. On entendra sa sœur l'appeler par son prénom, Bernard. On se rappellera qu'il n'a pas toujours été ce type qui vit au crochet des autres. On l'observera en douce, pour ne pas éveiller sa méfiance. » Fin de citation. Après les attentats du 13 novembre 2015 et leurs répercussions sur nous, Laurent Mauvignier a publié un très beau texte dans le journal Le Monde que je vous recommande, et je le cite. « La littérature, écrit-il, doit prendre le temps de mesurer l'impact de ce que notre vie subit. Elle ne doit pas se laisser corrompre, comme l'acidité corrompt, par l'émotion et la sidération. » L'écrivain doit prendre le temps de la mise en perspective et, dans le cas des romanciers, prendre le temps d'interroger la violence par le prisme de sa pratique, qui n'est ni celle de la philosophie, ni celle de la sociologie, de la psychologie, etc., mais qui pourtant les enveloppe et les concentre dans ces expériences simulées qu'on appelle fiction. Et nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 6 février 2018 pour le séminaire d'Antoine Compagnon, aujourd'hui, Plier, déplier, mémoires au présent avec Laurent Mauvignier. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent Mauvignier. Alors, Laurent Mauvignier est un romancier, enfin je ne sais pas s'il faut l'appeler romancier, ce sont des romans, mais il va nous le dire. Ils sont tous, je crois, publiés aux éditions de Minuit, donc il fait partie de ces écrivains des éditions de Minuit. Il y en a un certain nombre, mais celui qui a retenu mon attention et qui m'a incité à l'inviter dans ce cycle de cette année, dans ce séminaire, c'est un roman qu'il a publié en 2009, intitulé « Des hommes ». Ce livre « Des hommes », je crois, nous avait déjà réunis une fois, au moment de... Il a été publié en 2009, et il est organisé autour de souvenirs de la guerre d'Algérie. Je le recommande vivement à vous, si vous ne l'avez pas lu. Je l'ai relu là, donc ces derniers jours, et pour la seconde fois, j'ai de nouveau une impression que c'était un roman important et un beau roman dans la série des œuvres qui ont été suscitées par la guerre d'Algérie, au fond, dans la même période. Il est publié en 2009. Il y a un livre de lui qui avait été très remarqué auparavant, c'était le livre intitulé « Dans la foule », publié en 2006, dont vous pourrez peut-être aussi parler, qui portait sur ce drame du stade en Belgique, où il y avait eu un nombre important de morts à la suite d'une, non pas d'une émeute, mais d'une manifestation de foule. Ces deux ouvrages, mais notamment celui qui est intitulé « Des hommes », portent sur la guerre, portent sur la mémoire de la guerre. Et peut-être que la première question que nous pourrions aborder ensemble, c'est celle-ci. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la guerre d'Algérie, hein? Vous êtes né en... Je ne sais pas, 67. À vrai dire, je n'ai pas ça dans ma fiche. 1967, oui. 1967, donc, bien après la fin de la guerre d'Algérie, 62. Vous appartenez, comme moi d'ailleurs, à ces générations, ces premières générations de Français qui n'ont pas connu la guerre. Mais moi, quand j'étais enfant, je pensais que je connaîtrais la guerre, je pensais que ça arriverait, c'est... Tout le monde partait encore à la guerre quand j'étais enfant, en Algérie justement. Ouais. Mais vous n'avez pas connu ça directement. Donc vous ne faites pas partie d'une génération qui a pensé, quand elle était enfant ou adolescent, qu'elle connaîtrait forcément la guerre. Et peut-être qu'on peut commencer par cette question. Pourquoi vous y êtes-vous intéressé au point de... vouloir lui consacrer tout un livre, un récit ou un roman? Peut-être parce que dans mon enfance, en fait, effectivement, je pensais pas à la guerre pour moi dans un avenir hypothétique, dans la mesure où peut-être c'était aussi une époque de guerre froide et je me disais que s'il y avait une prochaine guerre, ce serait la dernière pour tout le monde. On la voyait assez fatale. Donc, à vrai dire, je m'y projetais absolument pas. Mais en revanche, la guerre d'Algérie, elle était pour moi très... Dans mon enfance, j'ai vécu dans une petite ville, un peu plus grand qu'un village, mais à peine plus grand qu'un village, en Touraine, à Descartes. Et c'est un endroit où, comme j'imagine partout en France, en fait, la présence de la guerre d'Algérie pour les enfants, c'était très très fort parce qu'on connaissait, par exemple, à l'école, on savait à peu près, chaque enfant savait à peu près ceux dont les parents étaient partis ou pas en Algérie, avaient été appelés ou pas en tant que soldat, en tant qu'appelé en Algérie. Et c'était très présent parce qu'il y avait tous les ans des banquets, des repas, etc. Mais alors c'était très présent, mais il y avait une espèce de mise en scène, je dirais, du silence autour de la guerre d'Algérie. On dit souvent les gens n'ont pas parlé de leur guerre d'Algérie. Alors c'est vrai que les hommes n'en parlaient pas, sans doute, mais en même temps, ce silence-là était quand même très mis en scène. On avait des photographies, on avait des roses des sables dans les salons. On savait où les gens étaient allés, on savait quand ils étaient partis, quand ils étaient revenus, mais on savait rien. Et moi, j'avais dans mon enfance, je regardais ces photos de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire des photos qui parlaient de tout sauf de la guerre, qui parlaient de jeunes hommes, en Algérie, et il se trouve que ma mère, en revanche, me racontait des choses qui coïncidaient pas justement à ce que ces images montraient. Et parfois, il y avait des bribes, dans ces banquets où tout le monde venait faire des méchouis, etc., en manger, tout ça, très bien. Et puis, de temps en temps, on entendait parler de quelqu'un qui n'était pas revenu. Et ça, quand vous êtes enfant, vous captez ça, par exemple. Moi, ça a fait partie des premières impressions de... Non pas qu'on ne me disait pas tout sur ce qui se passe dans la vie, mais qu'il y avait quand même une sorte de gouffre un petit peu, de quelque chose d'un peu inquiétant, d'un rapport au récit, d'une histoire qui m'était à la fois donnée et retirée en même temps qu'elle m'était donnée. Et ça, ça a construit pour moi pas seulement l'envie d'écrire ce livre-là, mais je crois en partie l'envie d'écrire tout court, en fait. Et donc, c'est vrai que l'envie d'écrire est pas nécessairement liée à la guerre, mais il est lié à un silence autour de la guerre. Mmh. Et dans vos premiers récits, la guerre n'était pas présente. Il y avait déjà ce thème qui apparaissait avant en, les... En filigrane avant... un peu, oui. Oui. En filigrane, mais par des personnages. Dans le premier roman, dans Loin d'eux, le personnage du père est allé en Algérie, il y a deux, trois... C'est-à-dire que dans mes premiers livres, en fait, il n'y a pas un homme qui n'ait pas été concerné par la guerre d'Algérie, en fait. Ça, c'est forcément passé. Et d'ailleurs, quand Des Hommes est sorti, j'ai été frappé en librairie, dans les gens que je rencontrais, de voir plutôt des gens de ma génération qui avaient finalement vécu la même expérience que moi, à savoir avoir par leur père ou par leur oncle ou par une figure proche familialement quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, quelque chose d'une étrangeté, quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à cerner, quelque chose, un événement qui les troublait ou qui n'arrivait pas à combler ou à colmater, j'allais dire. Et voilà, cette question-là, c'est vrai que moi, dans tous les livres, elle a été là, mais au fond, elle est devenue presque comme une sorte de questionnement plus ample qui est la question des traumatismes, la question, mais elle a quelque chose de très originel pour moi. Ouais. Et je suppose que c'est en particulier lié à un silence familial de la part de votre père, dont vous saviez qu'il était allé. Ouais. En Algérie, mais donc c'était un petit peu ce cadre vide que vous évoquez. Il y avait mon père, il y avait mes oncles, dont l'un qui m'a un peu servi d'ailleurs pour le personnage de Feu de Bois, qui s'appelait Bernard, qui était un oncle en revanche pas du tout agressif, qui était quelqu'un de très très doux, mais de complètement alcoolique. Moi, que j'ai toujours connu alcoolique, qui vivait dans une espèce de maisonnette détruite. Enfin, un personnage très qu'enfant trouvait nous étrange et mais très touchant et pas du tout alors que le personnage dans le roman est plus inquiétant voilà, une fois je me souviens d'entendre cette phrase de ma mère disant comme ça, mais parce que quelqu'un le critiquait en disant de toute façon il est tout le temps bourré, il est insupportable, il demande de l'argent à tout le monde, etc. Et je me souviens de ma mère disant oui, mais il n'était pas comme ça avant la guerre. Et c'est le genre de phrase qui passait à laquelle personne n'aurait eu l'idée de poser la moindre question, de demander, je ne sais pas, tiens, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Non, rien, c'était comme ça. Une phrase pouvait s'échapper. On a l'impression que c'était une phrase sortie de son enclos et que le silence retombait dessus. Et pas seulement parce que... une fois, quelqu'un m'a dit ça, d'ailleurs, dans une librairie, un des appelés me disait, mais c'est vrai que peut-être les soldats n'ont rien dit, mais comme ils ne disent rien à chaque guerre, d'ailleurs, mais en même temps, on leur demande rien. Mmh. Ça va dans les deux sens. Et c'est vrai que moi, je ne me serais jamais... même si je me posais des questions ou si d'autres s'en posaient, enfin, l'idée de demander simplement ne serait jamais osé, par exemple. Et donc, c'est vrai que le roman, j'ai l'impression, est venu un peu pour ça, en fait. Pour répondre à ces demandes qui n'avaient jamais été formulées. Ouais, ou pourquoi ne pouvaient-elles pas être formulées Je sais pas, il y avait quelque chose de... Ça aurait été peut-être simplement peur de la réaction, peur de pas être à ma place en les posant. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est vrai, mais au fond, quand j'ai écrit ce livre, quand le livre est sorti, alors qu'il y a eu plusieurs livres qui ont parlé de, pas seulement de la guerre d'Algérie, mais beaucoup en 2009, moi, il y a une question qu'on m'a beaucoup posée, ou un reproche qui a été fait beaucoup, c'est de parler d'une époque que je n'ai pas vécue, de parler d'une histoire que je n'ai pas vécue. Alors je me disais, mais enfin, quand même, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la littérature que les écrivains s'emparent de choses qu'ils n'ont pas connues personnellement, sinon c'est terrible, quoi. Mais c'est vrai qu'en revanche, ça implique de se poser vraiment la question d'à partir de quel endroit on peut parler de cette histoire, la regarder, et moi j'ai eu l'impression au contraire que c'est parce que j'avais pas vécu cette guerre que je pouvais en parler. Parce que j'essayais de ne pas être simplement dans un témoignage, mais de trouver une forme, de trouver quelque chose qui soit vraiment de l'ordre de la littérature et du roman, pour le coup, y compris avec tous ces endroits à colmater, tous ces vides, toutes ces choses qui me paraissaient... avec cette autre question en fond, qui était de dire la question du roman de genre, la guerre est un genre dans le roman, comment on fait ça aujourd'hui, est-ce que c'est possible? J'avais commencé, la première version, je dis voilà, c'était des soldats qui attendaient l'ennemi qui venait pas, et je me suis dit, mais bon, c'est pas la peine, ça a déjà été fait, ça a été très bien fait, donc comment on peut trouver un présent possible de ça, une réalité de ça? Le plus difficile, par exemple, c'était d'essayer de retrouver le présent d'un temps qu'on n'a pas connu. Se dire, par exemple, c'est quoi avoir 20 ans, avoir un fusil dans les mains, d'être en avant-poste, comme ça, la nuit, qu'est-ce qu'on éprouve, quelles sont les sensations. J'avais l'impression que c'était par ces questions-là que je pourrais avoir mes réponses, des réponses à des questions qui peut-être n'avaient pas de sens à les poser comme ça, simplement, quoi, en fait. Il faut peut-être dire comment le roman est construit, parce que c'est aussi cette construction qui permet de passer d'un temps à un autre et justement d'un présent à un autre, qui, d'après ce que vous disiez, n'est pas venu d'emblée. Ah non, ça a été compliqué. Ouais. Pouvez-vous la décrire, la construction du roman, et pourquoi avoir abouti à cette construction? Qu'est-ce que cette construction résolvait comme difficulté? En fait, mon problème, c'est que je n'arrivais pas à... Alors, je me disais, peut-être, on peut commencer dans les années 60, et puis arriver à dire ce que les personnages sont devenus au début des années 2000. Et en fait, je n'arrivais pas du tout à fonctionner, à l'écrire comme ça. Je me disais, pour que ça puisse être possible, et ça j'ai mis 10 ans avant de comprendre ça, hein, pour que ça puisse être possible, il faut que je parte presque de cette vision que j'ai eue dans l'enfance, de ces hommes que je voyais pendant des repas de famille ou des choses comme ça, avec ces choses que je comprenais pas. Il faut que je parte d'un événement anecdotique qui peut faire que tout se déroule. Il faut que je parte de ce présent-là. Okay, bon, alors je le situe... voilà, au début des années 2000, bon, très bien. Mais j'ai mis beaucoup de temps à arriver à ce constat que je ne pouvais partir que de là, en fait. Et donc, assumer l'Algérie comme un récit du passé. Mais sauf que j'arrivais pas à le structurer de manière très technique, en fait. J'arrivais pas à construire le livre, à dire comment on fait ses retours dans le passé, comment on peut construire ça. Et finalement, il y a quelque chose qui s'est posé assez simplement dès que ça a été trouvé, en fait, ça a été de partir d'une journée, de dire, bon voilà, il y a une anecdote au début d'après-midi, et puis au fur et à mesure, le personnage principal, le narrateur en tout cas, va revivre son Algérie comme ça, l'après-midi, le soir, évidemment surtout la nuit, c'est encore une question de voyager au bout de la nuit, quoi, et jusqu'au petit matin. Et une fois que ça a été structuré, ça a été plus facile après de construire le récit. Et ce qui a été évident tout de suite, alors que ce qui se passe en Touraine, dans les moments que j'ai connus, moi, s'écrit au passé. Par contre, dès qu'on arrive dans les années 60 en Algérie, c'était impossible d'écrire au passé. C'est-à-dire que vraiment, il fallait que ce soit au présent, et parce que d'ailleurs moi-même, je le vivais comme une espèce de cauchemar réactivé ou de souvenir non vécu. Alors j'ai passé beaucoup de temps, évidemment, à aller chercher des informations à droite à gauche, mais c'était pas ça qui faisait que cette nécessité du présent, à un moment, pour moi, la question, c'était de me dire, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu beaucoup de témoignages, etc. Je me dis, mais qu'est-ce que ça peut apporter de plus, un roman? C'est quoi, quel est l'intérêt de faire un roman là-dessus? Pour moi, l'intérêt, c'était de retrouver l'ignorance du présent, retrouver ce qui manque beaucoup, justement, dans la littérature sur la guerre d'Algérie, notamment. C'est à chaque fois, vous commencez un livre, et au bout de 3 lignes, vous savez à peu près que le narrateur connaît toute l'histoire de la guerre d'Algérie, qu'il a un parti pris qui est déjà... alors, il est pour l'Algérie française ou pour l'indépendance de l'Algérie, j'ai envie de dire, peu importe, on sent ça tout de suite. Et moi, je voulais retrouver une sorte d'endroit qui était peut-être, en tout cas comme je le fantasmais, l'idée de ce que ces appelés ont pu connaître, simplement, comme ça, en sortant des gens qui avaient 20 ans, qui connaissaient que la ferme, que leur petit monde... rural, comme ça, qui d'un seul coup se retrouve de l'autre côté de la mer. Et voilà, je voulais partir de cet endroit-là. Et en même temps, je me disais, mais en même temps, il y a beaucoup d'ignorance dans ce présent, mais il y a aussi, chacun vient avec sa propre histoire, et donc avec ses anecdotes, avec son passé, avec le passé de sa famille. C'est pour ça toute la question au départ, le livre est assez long à démarrer sur ça, parce que j'avais besoin de faire que ces personnages ils aient une vie, ils aient un rapport à l'argent, aux femmes, à la famille, etc. Parce que c'est à partir de ça que c'est possible. Dire qu'il y a une bonne centaine de pages avant de débarquer en Algérie. Ouais. Donc, les deux premières parties qui sont une sorte de prolégomène. Et ça vient du... j'entendais beaucoup, quand je parlais du projet de ce livre, à chaque fois, tout le monde me disait, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas, c'est impossible. Les Français sont nuls là-dessus, ils savent pas faire ça. Les Américains, eux, savent très bien parler du Vietnam. À chaque fois, ça c'est un classique. Et je me disais, mais comment ils font les Américains, ce qui sont, et notamment, on parlait toujours du film de Cimino, Voyage au bout de l'enfer, que j'ai revu. Et j'ai compris comment ils faisaient merveilleusement pour parler du Vietnam, mais en fait, ils n'en parlent absolument jamais. C'est-à-dire qu'il y a des allusions, mais il reste vraiment au plus près de la sensation et de la perception, de l'expérience. C'est-à-dire qu'on sait que c'est le Vietnam parce qu'on voit qu'ils sont en Asie, on comprend, mais c'est pas aussi... on nous dit pas ce qu'il faut penser, du bien, du mal, etc. À ce moment-là, on est dans le pur moment de violence, de sensation, etc. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut... C'est vers ça qu'il faut aller. C'est vrai qu'il faut retrouver ou essayer de faire partager avec le lecteur... une expérience qui est pour le coup dont je crois que seule la littérature peut la donner, parce que même le cinéma le fait, mais peut-être sur un mode plus direct, plus frontal. Mais j'avais l'impression que il y avait aussi un rapport à la façon dont le temps agit en nous, dont il nous traverse, dont les années qui nous séparent d'un événement peuvent cohabiter. Je me disais, voilà, ça doit pouvoir se rendre sensible. Et donc pour moi, le travail, c'était d'aller vers ça, en tout cas. Les premières parties, c'est comme si ça démarrait à partir du... Vous avez évoqué le mot de trauma tout à l'heure, à partir de la cicatrice. C'est l'émergence d'un symptôme de la guerre d'Algérie dans la première partie, ce qui permet de retourner dans ce... vers ce flashback où toute la guerre revient durant la nuit. Alors, vous avez dit pour le personnage principal, je me demandais si c'était le personnage principal, puisque... comment vous... Parce que le livre est construit autour de... Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je crois qu'il faut tout de même le dire, autour de deux personnages qui sont cousins. Qui sont cousins, dans ce village de Touraine, suppose, c'est aussi la Touraine, qui sont cousins et qui sont contemporains, donc ils ont été tous les deux en Algérie en même temps et s'y sont croisés, s'y sont retrouvés, même de manière tout à fait importante dans le récit de ce qui se passera en Algérie. Mais les premières scènes sont donc 30 ans après, ou même plus, 40 plus, ans après, oui, 40, ans après, 40 ans après, où ils sont toujours cousins et toujours dans le même village, et où les couches de l'histoire se sont accumulées. Voilà, ouais. Et le retour du passé se fait à la faveur d'un incident. Voilà, c'est un incident, peut-être. C'est l'anniversaire de la sœur, en fait, de celui qui, pour moi, est le personnage principal, Feu de Bois, Bernard. Et lui, il arrive, il lui offre une broche, alors qu'on se dit, mais il n'a pas d'argent, etc. Donc il y a toute une histoire familiale là, qui peut être trop longue à raconter. Et puis, dans les gens qui sont là, donc on l'interroge sur cette broche, comment il a eu cette broche, etc. Il n'a pas d'argent, comment. C'est vraiment le clochard de la famille. On s'occupe de lui et en même temps, il est rejeté en même temps. Et puis, il y a un des personnages complètement. Anecdotique, on pourrait dire, c'est quelqu'un qui aide la famille parce que c'est un collègue de travail de Solange, donc la sœur de Feu de Bois. Et il se trouve que ce monsieur qui aide est algérien. Et ça, c'est ce qui va mettre un peu le feu aux poudres, si on peut dire, c'est que quand Feu de Bois va se faire renvoyer parce qu'il gueule, parce qu'il fait un scandale, parce que la famille le veut plus, comme on peut voir ça souvent, comme on a vu ça souvent, il est là. Moi, je veux bien sortir, mais lui, il a le droit d'être là. Et cette petite chose là, ça va enclencher une énorme colère, et dans ce mot colère, le mot bougnoule va sortir, et à partir de là, non pas sur ce personnage-là, mais sur le personnage qui nous raconte le narrateur, qui s'appelle Rabu, ce mot-là, lui, réactive en fait toute leur jeunesse et tout ce qu'il a lui aussi refoulé de la guerre d'Algérie. Et c'était très curieux comment. Pour moi, même en l'écrivant, j'ai vraiment eu besoin de ces 100 pages, et j'ai eu besoin aussi de passer par j'allais dire presque ce déclenchement d'une mémoire que je n'ai pas en fait. Mais j'ai vraiment eu besoin de se faire ce tour par effectivement une première partie qui fait 100 pages, quoi, qui est vraiment une partie très importante, mais parce que j'avais l'impression, et j'ai toujours d'ailleurs, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder, quoi, qui est impossible. Sans traverser ces couches qui en montrent aussi l'actualité, la présence. Bien sûr. Ouais. Il faut traverser tout ce temps accumulé pour rejoindre le... Oui, parce que pour moi, c'est quand même la question d'aller fouiller comme ça dans le passé, c'est aussi de se poser la question de comment se passer, comment nous, peut-être, nous regardons notre passé, mais comment ce passé nous regarde, comment il est aussi présent dans notre vie, et comment on vit avec ce qu'on en fait, comment on peut ou pas lire notre présent aujourd'hui à l'aune de ce que ce passé nous dit de nous-mêmes aussi, quoi. Ça, c'était très présent de l'idée que j'ai tout le temps, parce que c'est vrai que je me disais écrire ce livre, je l'ai vu d'ailleurs aussi en rencontrant les gens après, les lecteurs en librairie notamment. Je me disais, mais quelle est la question que le passé pose au présent en fait. Et c'est très surprenant comment en fait c'est pas seulement parce que l'Algérie est un passé relativement récent dont on n'a pas peut-être toujours autant parlé autant qu'il aurait fallu le faire peut-être ou avec des positions qui sont encore aujourd'hui très très très vives. Moi j'ai été vraiment très très surpris de ça, de voir. J'ai presque failli faire un petit livre que j'ai pas fait parce que c'était trop compliqué pour moi des réactions autour de ce livre, parce que j'ai vraiment vu des gens arriver me faire dédicacer des livres à des gens qui étaient morts, des gens qui s'étaient suicidés, etc. Vraiment quelque chose des gens pour qui c'était extrêmement présent, et en l'écrivant moi j'avais aussi la sensation de quelque chose d'extrêmement présent, à tel point que depuis 2009 j'ai presque eu ma période d'amnésie ou de déni en fait. je n'ai pas pu lire une seule chose consacrée à la guerre d'Algérie depuis. J'ai lu un livre cette année, mais c'est tout. Et alors qu'on m'a envoyé depuis plein de livres, de romans, etc. Sur ce sujet, sur cette question. Et j'ai vraiment eu un moment de trop-plein que je... C'est quelque chose que va être très étrange. Collège de France et France Culture vous présentent Antoine Compagnon et Laurent Mauvignier. Aujourd'hui, plier, déplier, mémoires au présent. On peut aussi sans doute parler de la présence des photographies dans ce livre, parce qu'elles jouent un rôle directeur. À partir du moment où il y a une première photographie qui apparaît, il y a une sorte de fil qui est lié à la photographie, à la fois d'acceptation et de refus de la photographie, puisque dans les dernières scènes, ces photographies sont de façon écartée ou rejetée. Pourquoi cette importance de la photographie ? Est-ce que c'est vraiment le médium indispensable, fatal aujourd'hui ? Bon. À l'époque, enfin, je l'ai su en travaillant sur le livre, je ne le savais pas au moment où je voulais le faire. Simplement, quand j'ai commencé à travailler sur, je me suis aperçu en lisant plusieurs témoignages d'appelés, notamment, ils avaient tous des appareils photo, ils faisaient tous énormément de photos. Et en fait, j'ai dit, c'est curieux. Pourquoi ? Alors, on savait qu'ils avaient du temps, etc. Mais en fait, mais pas seulement, c'est que Kodak, à l'époque, a fait une énorme campagne publicitaire et ils ont distribué des appareils photo. Mais vraiment aux soldats, c'était vraiment, c'est-à-dire que eux, ils voyaient un effet publicitaire. En même temps, ils se disaient comme ça, on aura des images. Ce qui est quand même complètement surprenant. Enfin, moi, je n'ai jamais imaginé qu'on puisse penser les appeler comme, comme ça, on va leur distribuer des appareils photo, ils vont devenir des photographes en herbe. Et quand ils reviendront en France, ils achèteront des appareils Kodak. Et ce sera formidable. Mais c'était déjà comme ça la guerre de 14. Hein. Ah oui, de 14, on en avait parlé quand j'ai fait cours sur la guerre de 14, les journaux demandaient des photographies de poilus dans les tranchées, parce qu'ils voulaient des photographies à montrer. Il y avait des prix de photographie. Il y a un rapport qui est très... Il y avait déjà l'appareil instantané était déjà disponible pour la guerre de 14. Et il y a... Donc les photos de la guerre de 14, c'était déjà le cas. Hein. Ouais. C'était déjà le cas. La demande de photographie de la guerre de 14. Ouais, alors après, moi, c'est vrai que tout simplement. C'est quand on a une guerre longue. Hein. C'est, oui, bien c'est sûr. Une guerre longue et une guerre qui est pour beaucoup une guerre de position. Ouais. Bah oui, puis là, en l'occurrence, c'est pas dans l'action qu'on fait les photographies, donc. En l'occurrence, c'était, j'allais dire, à peine une guerre dans le sens où elle n'avait pas ce nom-là, quoi. Ouais. Donc on disait ils sont appelés sur, ils partaient 2 ans quand même. On disait ils vont faire des photos. Ce qu'ils ont fait. Et alors moi je sais que ça a été déterminant aussi parce que d'abord pour construire le livre, moi je me suis vraiment servi des photographies de mon père. Ah oui, c'est des photographies famille qui vous ont. Ça c'est vraiment servi. C'est un lot de photographies prises par votre père ou prises par. D'autres. Ou lui, ou en tout cas des gens avec qui il était. Parce qu'elles étaient très troublantes. Très formellement, elles sont très belles, parce que c'est des images souvent très géométriques, où vous voyez juste un fond de ciel comme ça, avec une route, ou la mer, ou des choses très, très Et parfois, de temps en temps, on voit trois jeunes hommes, deux, trois soldats en train de rire entre eux, et puis à peu près rien, en fait. Donc c'est très troublant, l'énorme vide que ça et questionnement que ça procure. C'est-à-dire que les photos nous disent ce qu'elles veulent nous cacher, en fait. Elles annoncent qu'elles ne nous diront rien. Donc évidemment, moi, ça a vraiment été très très constitutif du travail, et puis même tout simplement ça a été pour localiser les lieux, moi j'ai construit vraiment le livre à partir de ces images-là. À partir des photographies. Ouais. Après j'ai vu d'autres photos d'autres gens, parce qu'effectivement il y en a énormément. Mais ce qui m'intéressait dans celle-ci, c'est que justement il y avait une sorte d'appel d'air, une appel de récit ou de fiction, parce que justement il y avait rien. Et peut-être j'ai construit un récit autour de ces photographies. Ouais. Quasi anonyme, puisque à part la reconnaissance de votre père, j'imagine, sur certaines d'entre elles, elles ne disent rien. Ça voudrait dire aussi qu'on ne peut plus avoir de mémoire sans photographie aujourd'hui, en pensant... puis on aura un jour ou l'autre Christian Boltanski qui viendra ici, et qui a beaucoup travaillé avec les photographies, et notamment les photographies, alors qu'ils sont des photographies tout à fait anonyme. Ouais. Alors c'est intéressant pour moi, vous parliez de Boltanski, parce que quand j'étais jeune, j'ai fait des études d'art plastique. En fait, j'étais aux Beaux-Arts, et Boltanski fait partie des gens qui ont, pour moi, énormément compté, quoi. Mmh. Parce que justement, dans ce rapport à l'image et ce rapport à la mémoire, j'allais dire via l'image. Est-ce que l'image est un véhicule ou est-ce qu'elle est un déclencheur c'est difficile de le savoir. Mais c'est vrai que, par exemple, je pense que c'est un livre que, à la fois, que j'aurais pas pu écrire sans ces images comme outil de construction, mais aussi comme presque lieu de départ. C'est-à-dire que comme si les photographies étaient une enveloppe, on se dit, tiens, il y a quelque chose à lire dans cette enveloppe, il y a des lettres. Donc, est-ce que j'ouvre ou pas ces enveloppes ? Je les vivais un peu comme ça, en fait, ces photographies. Alors, le relisant de votre livre ces derniers jours, j'avais le sentiment que la première partie, c'est-à-dire avant l'Algérie, était de fond plus expérimentale dans sa composition et dans sa rédaction que la partie algérienne. Oui. Dans la partie algérienne, le récit était sans doute plus linéaire et moins de voix intérieure. Oui. Et je me demandais, vous diriez la même chose. Je pourrais. Comment ça s'explique, ça ? En fait, je pourrais dire la même chose. Dans le sens où elle est formellement, effectivement, plus. Mais c'est vrai que ce que j'ai fait sur la guerre d'Algérie en elle-même, c'est quelque chose que j'avais jamais fait dans mes livres précédents. Le côté linéaire comme ça, le côté un peu plus frontal, un peu plus. C'est comme si justement là, on retrouvait des photographies dont on avait un peu gommé les ombres, quelque chose de plus peut-être de plus abrupt. Ou très souvent d'ailleurs, la narration se fait d'une espèce de on générique comme ça, et on avance dans alors que dans la première partie, on est dans une matière, dans un matériau qui est peut-être plus le mien dans mes précédents livres, et dans ce rapport intime que j'ai à ce lieu de Touraine, à ces personnages, à ma propre mémoire, à ma propre mémoire familiale, à quelque chose. C'est peut-être de ce point de vue-là plus personnel. Oui. Cette première partie-là, plus directement personnelle, j'ai l'impression que la partie algérienne, en fait, va chercher une mémoire plus collective. C'est peut-être ça. Le lieu de la différence est peut-être là, et ça passe par une forme, effectivement, peut-être plus... je ne sais pas si on peut dire plus expérimentale, mais en tout cas, peut-être plus singulière, formellement, en tout cas. Oui. Et alors, vous disiez tout à l'heure que dans le... Vous preniez donc deux innocents qui débarquent en Algérie sans, sans rien savoir de ce dont il s'agit, comme deux appelés. Et il y a tout de même des voix de savoir qui sont présentes dans votre personnage. Alors, je ne sais pas si c'est le principal ou non, puisqu'il y en a deux. Il y a ce Bernard, et puis il y a le narrateur qui est son cousin, mais qui reprend l'histoire à son compte. Ce narrateur bénéficie par moments d'un certain savoir, d'une certaine distance par rapport aux événements. Il est présenté comme, si mes souvenirs sont bons, un responsable politique, il est conseiller municipal, Et c'est vrai qu'il rencontre... Il est capable de verbaliser, de formaliser toute cette expérience, Et il y a d'autres y compris de manière rétrospective. Mais parce qu'il y a eu à un moment l'appui d'un personnage qui s'appelle Février, qui est un personnage comme ça, dont on pourrait penser qu'il est un peu secondaire dans le livre, et dont je me dis de plus en plus qu'en fait il est vraiment essentiel, parce que c'est un personnage qui, à la fin du livre, on s'aperçoit que c'est celui qui parle le plus, en fait, un personnage qui a un peu cette fonction. Après la guerre, il repasse voir les uns et les autres, et il raconte ce qui s'est passé à son retour. C'est le personnage du médiateur. C'est un peu le personnage du médiateur. Entre les deux cousins, qui évidemment sont très hostiles et ne se parlent pas, il y a ce médiateur. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'était très compliqué, mais compliqué peut-être simplement parce que dans le rapport à des gens que j'ai connus, des oncles, des gens de ma famille, des gens qui ont 80, 85 ans aujourd'hui, simplement de leur faire porter une parole qu'eux-mêmes n'ont pas voulu porter. Donc j'avais l'impression que je voyais pas Feu de Bois et Bernard et Rabu d'un seul coup assumer frontalement une parole dont je n'ai jamais vu personne la porter aussi directement. Et puis aussi, c'est peut-être simplement là pour le coup une posture de romancier. C'est à eux deux que je me suis identifié. Et à la fois, ça c'est toujours la schizophrénie du romancier, si on peut appeler ça romancier, qui est à la fois de faire parole, de porter une parole, et en même temps d'être toujours en train de se méfier de cette parole et d'être très, pour le moins circonspect avec ce qu'on peut manipuler comme mot, comme image, comme... J'ai oublié tout à l'heure de m'indiquer le titre que vous aviez proposé pour cette intervention. C'était « Plier, déplier, mémoire au présent ». Alors, puisque vous avez donné ce titre, je voudrais vous interroger sur ce titre. Pourquoi « Plier, déplier » Qu'est-ce que ce mouvement ? Parce qu'en fait, quand on a parlé de ma venue aujourd'hui, depuis, je suis en train de travailler sur un roman dont je ne sais même pas si c'est vraiment un roman, dont je ne sais pas ce que c'est, une sorte d'objet, avec plusieurs strates de temporalité, d'histoire qui concerne pour le coup en partie des histoires qu'on m'a racontées, qui ne sont pas des histoires de fiction, mais qui sont des histoires qui restent là comme ça. Je me dis, tiens, ça, il y a quelque chose, j'ai envie de démêler ça, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis d'autres histoires qui n'ont absolument rien à voir, qui sont plutôt des images, pour le coup, des images mentales, des souvenirs d'enfance, dont une image qui m'obsède depuis l'enfance, qui est celle dont on m'a parlé, de ma grand-mère, que je n'ai pas connue, puisqu'elle est morte à la Libération, après avoir... était tendu à la Libération, visiblement sous les yeux de mon père. Qui était enfant. Qui était enfant, qui avait 6-7 ans. Et cette idée-là, participe complètement de mon imaginaire. Sauf que j'en ai reparlé il n'y a pas très longtemps avec ma mère, mon père étant mort. J'en parle avec elle en lui disant, mais est-ce que c'était à l'endroit, parce que je vois ça très bien, je vois ça là, je vois ça comme ça, etc. Et elle me dit, mais alors pas du tout, mais alors tu y es pas du tout, c'est pas du tout ça, elle est très bien ton histoire là, mais c'est pas ça du tout, c'est plutôt là avec telle personne, etc. et on me raconte une autre histoire. Et j'ai 3-4 histoires comme ça, et je sais qu'elles sont liées, je ne sais pas en quoi, je ne sais pas comment, et je sais que pour moi, tout l'art du roman, justement, tout ce pourquoi il faut que je m'y mette, c'est comment je vais essayer de déplier tous ces... J'ai vraiment l'impression de que c'est une espèce de construction en papier qu'il faut plier, replier, déplier, voir peut-être ce qui va d'un seul coup apparaître ou pas. Et vraiment quelque chose qui... J'écris par ailleurs de la fiction pour le cinéma ou pour la télévision ou pour le théâtre, et il y a quelque chose de vraiment très différent dans ce rapport-là. C'est pour ça que je suis vraiment pas inquiet moi pour le roman. Le roman à mon sens de beaux jours devant lui parce que il a cette capacité, cette souplesse, cette plasticité qui lui permet comme ça en 2 tours de phrase, en imaginant que les phrases soient quand même assez longues pour pouvoir le faire, de déployer des périodes qui n'ont a priori rien à voir avec elles, mais dont si on les met l'une à côté de l'autre, on s'aperçoit qu'elles ont en réalité profondément à voir. Alors après, c'est toute l'aventure de la littérature au XXe siècle, enfin, je n'invente rien là-dedans. Simplement, je ne vois pas d'autre moyen pour moi aujourd'hui de pratiquer le roman et de le justifier à mes propres yeux. Mais à partir d'images un peu traumatiques, plutôt et quand même malgré tout, qui sont des images de famille qui reviennent d'une sorte de profondeur familiale, celle que vous évoquez. Oui, mais pas nécessairement parce que par exemple pour Dans la foule, ça avait été l'image du Hazel. C'est une image qui a été réactivée pour moi alors que j'avais vu ça à la télévision. En 85, j'étais pas du tout là-bas. J'avais vu ça à la télévision et ça a été complètement réactivé par les images du 11 septembre. Et en fait, j'ai commencé, par exemple, ce livre-là sur l'histoire du stade en Belgique à cause vraiment du 11 septembre et l'impression que j'ai eue en voyant ces images à la télévision. Des tours s'effondrant, ça m'a ramené à cette autre expérience télévisuelle en fait, qui était celle de ce match de foot complètement traumatisant, mais là pour le coup un traumatisme que j'ai vécu, je veux dire personnellement, mais qui est une expérience collective. Dans ce cas-là, le moteur était un peu différent, mais j'ai l'impression que les deux se mêlent en fait pour moi. Alors vous avez fait un livre surtout où il est question de guerre, mais vous avez dit tout à l'heure que peut-être que c'était l'expérience initiatique de l'écriture. Et du coup, pensez-vous qu'il y aura ou qu'il y a en cours d'autres livres dont la guerre ne soit pas l'expérience initiatique, mais aussi plus proprement l'objet ? Oui, j'ai l'impression que quelque chose... reviendra de ça parce que j'ai l'impression que simplement, alors là pour le coup d'un point de vue très familial, très personnel, etc., certaines questions reviennent qui finalement concernent la guerre ou en tout cas qui ont été transformées par la guerre. Et je m'aperçois, cette image de ma grand-mère, de mon père, etc., voyant cette image de cet enfant regardant sa mère, par exemple, cette image-là, forcément, me fait me poser la question de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez envie d'en parler. Donc j'ai envie d'en parler, et j'ai envie d'en parler par ce prisme-là. Mais je sais, par exemple... Sans avoir encore trouvé comment... Mais non, je n'ai pas trouvé. Et ce que je sais, justement, c'est que je sais que, du coup, il y a l'image de cette femme, de ma grand-mère, et des quelques récits, des quelques bribes que j'ai autour d'elle. Et j'apprends que cette femme, en fait, elle a été perturbée très, très jeune, et que son père est mort dans les Ardennes en 1916, etc. Et là, du coup, moi, je vois que je ne vais plus m'en sortir. Quoi. Mais je ne veux pas. Mais d'une certaine manière, j'ai pas envie. J'ai envie d'aller voir. J'ai envie de savoir. J'ai envie de pas seulement de comprendre, mais de j'ai envie de forer dans tout ça, d'aller creuser pour voir ce qui est le moteur. Voilà comment tout ça s'imbrique. Il y a une capacité d'imbrication dans le roman, alors qu'évidemment c'est un énorme piège parce qu'on devient un peu fou avec ça, parce que évidemment c'est le côté boule de neige là, c'est cette saison où on est une chose en appelle une autre, mais ce vertige là est tellement fascinant, saisissant que Puis il me pose aussi simplement une question qui est, parce que à la question de la mémoire, évidemment, il y a son pendant, il y a la question de l'oubli. Et quand on vous donne dans votre vie comme ça deux, trois mots pour une personne qui a été votre grand-mère, vos grands-parents, etc., à un moment, vous pouvez penser cette chose quand même assez, assez folle, moi je trouve. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu cette petite phrase, il y aurait finalement presque aucune différence entre ma grand-mère que je n'ai jamais connue, dont je connais à peine le prénom et les dates de vie et de mort, et un lointain ancêtre du XIIe siècle. Ce vertige-là, alors qu'en réalité, le nombre d'années qui nous séparent de ça est quand même, c'est très court, et d'un seul coup, il y a la grande nuit des temps, et là, c'est, on a l'impression d'un dénivelé de 4000 mètres de profondeur, et ça, c'est vertigineux. Et j'ai l'impression, moi, de me dire, tiens, peut-être qu'on peut encore raccrocher quelques branches d'une histoire. Peu importe que ce soit d'ailleurs une histoire vécue familialement, mais à partir de quelques éléments comme ça, bah là, la fiction peut nous être d'un secours infini pour essayer de se figurer quelque chose. Alors vous évoquiez d'autres guerres. Dans votre livre, L'aide des hommes, il y a une sorte de leitmotiv. Il revient, là, comme les leitmotivs, périodiquement dans les livres, c'est pas Verdun. Mais oui. C'est pas Verdun. Énoncé avant le départ, repris un peu pourquoi. Vous pouvez commenter ce motif du. Oui, mais ça, c'est intéressant. C'est vrai que à chaque fois que j'ai commencé des livres en parlant des gens que je connaissais, moi, effectivement, les hommes étaient toujours passés par l'Algérie. Et finalement, quand je me retrouve à les mettre, eux, en position de gens de 20 ans dans cette période algérienne, ben, je m'aperçois qu'en fait, ben, ils étaient confrontés exactement à cette question-là aussi. C'est-à-dire que leur grand-père avait à peu près 60 ans, que certains avaient, pour le coup, connu la grande guerre, pour beaucoup avaient connu la grande guerre, et donc quand en retour eux ils étaient là avec leur petite guerre entre guillemets, et d'où le titre d'ailleurs, puisqu'on leur disait mais c'est ça, vous deviendrez des hommes comme ça, la guerre ça forme des hommes, si on ne passe pas par la guerre, si on ne passe pas par l'épreuve du fusil, c'est le côté initiatique de ça, et question effectivement qu'aujourd'hui, on peut se poser, que moi je me suis posé, parce qu'effectivement, je fais partie d'une génération qui n'a pas été confrontée à ça. Mais il y avait cette question-là, avec cette idée toujours que bah, le grand-père qui est en face là, lui, il a vu ses copains tomber à Verdun. Et donc, voilà, ça reconstruit forcément, notre présence se construit forcément dans un rapport au passé. Il y a des effets symétriques au XXe siècle, d'une guerre à l'autre, entre générations, comment les générations se parlent ou ne se parlent pas, mais comment, j'allais dire, elles dialoguent malgré tout, y compris dans leurs non-dits, quoi. Y compris comment elles se parlent par non-dits interposés. Et puis aussi, simplement, parce qu'en écrivant un roman, en essayant de tourner autour de la question de la guerre, que ce soit la Seconde Guerre mondiale, pour moi, avec Claude Simon, par exemple, ou la Première, avec Céline et d'autres, c'est quelque chose. Voilà, c'est notre matériau. Je suis quand même partie d'une génération qui. Qui est complètement du XXe siècle de ce point de vue-là. Et même si je n'ai pas connu, voilà, d'une génération peut-être un peu d'entre-deux, en fait, c'est-à-dire que je suis j'aurais l'impression d'être un homme du XXe siècle qui n'a pas participé aux événements du XXe siècle, en fait. Et j'ai l'impression que la fiction me sert précisément à, non pas à vivre ce que je n'ai pas vécu, mais à essayer de comprendre ce que je n'ai pas vécu, ou en tout cas de me donner une image de ce que je n'ai pas vécu. Vous venez encore d'utiliser le mot « comprendre », que vous utilisez assez souvent, ouais. et qui est très présent aussi dans votre livre. « Comprendre », mais c'est Céline, la guerre, c'est ce qu'on ne comprend pas. Oui, bah, complètement. Et cette idée de... Là, je vais tomber. Parce que ça, non, on ne comprend rien à comprendre. Le thème de « on n'y comprend rien » traverse aussi, en tout cas, toute la partie de la guerre dans ce... dans votre livre, des hommes. Ben, la guerre, c'est ce qu'on ne comprend pas. Oui, je pense que pour moi, l'un des enjeux de la littérature, c'est peut-être pas forcément d'éclaircir les choses, en fait. C'est peut-être de partir de leur opacité pour non pas d'un seul coup dire tiens, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est possible, pas possible, etc. Mais de dire voilà. Essayons de nous donner une représentation ou de l'expérience, de faire l'expérience de cette incompréhension. Mais aujourd'hui, la question pour moi, c'est comment on peut essayer encore une fois de à la fois de respecter, de parler de cette confusion sans être nous-mêmes confus. Parce que c'est ça le grand problème. Il faut quand même trouver une forme qui puisse à la fois porter ce monde-là, une langue qui puisse le brasser tout ça, et en même temps, ne pas laisser son lecteur sur le bord de la route, si possible. Alors, vous me disiez l'autre jour au téléphone, quand on parlait de ces questions, que vous aviez renoncé aux phrases longues qui embrassent cette confusion. Dans ce livre, c'est plutôt des phrases longues. Et puis que maintenant vous reveniez aux phrases longues. Ah oui, là, la longueur de la phrase, c'est une manière d'embrasser cette confusion. Ah, complètement. Et c'est dans une syntaxe. Tout à fait. Ouais. Et puis c'est pas du tout quelque chose de l'ordre du ou d'une théorie ou d'une posture qu'on pourrait ou d'une décision comme ça qu'on dit tiens je vais écrire des phrases longues pour embrasser plus de choses. Non, c'est simplement qu'un système qu'une phrase porte en fait les deux se répondent, il y a un dialogue tout le temps en permanence à l'intérieur de la phrase et donc évidemment elle est charriée aussi par ce par quoi elle avance quoi. Ouais. Voilà, on peut peut-être conclure avec ces réflexions sur la phrase qui permet de parler de la guerre longue et recommander ce livre. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le séminaire d'Antoine Compagnon qui recevait Laurent Mauvignier le 6 février 2018. Aujourd'hui, plier, déplier, mémoires au présent. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours et séminaires d'Antoine Compagnon. Je rappelle son dernier livre, Les chiffonniers de Paris, publié chez Gallimard en 2017, et le bel ouvrage de Laurent Mauvignier, « Des hommes » aux éditions de Minuit. Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, il sera encore question un peu de l'Algérie. Nous poursuivrons notre exploration des rapports entre littérature et histoire avec un grand H aux côtés de l'universitaire américaine Alice Kaplan et il sera question de la traduction de l'étranger de Camus. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.